Il y a des jours où le noir de mes nuits déteinte au pourtour de l'histoire de ma vie, emprunte un parcours aux frontières de l'ennui et repeint toujours mon avenir en gris. Il y a des jours où l'espoir ressurgit, transformant la tour d'ivoire en paradis. Comme on prend plaisir à mordre dans un fruit, est-ce qu'il fera beau aujourd'hui? Il y a des jours comme ça, il y a des jours parfois où l'on ferait mieux de se lever. Mais moi je reste couché, mais moi je reste couché. Il y a des jours où le cafard me nuit, me coupe dans l'élan de mes moindres envies, m'arrête au carrefour de la mélancolie, et mon cœur battant à craindre l'embolie. Il y a des jours où le miroir me sourit, renvoie de l'amour et bien des rires aussi. Je ne bois plus de noir et je chante la vie. Est-ce qu'il fera chaud aujourd'hui? Il y a des jours comme ça, il y a des jours parfois où l'on ferait mieux de se lever. Mais moi je reste couché, et moi je reste couché. Il y a des nuits plus blanches que mes jours, où la nostalgie de mon premier amour survient dans le lit tel un roulement de tambour, et où l'insomnie prend de sérieux détours. Il y a des nuits où je rêve au contour, manteau de fou rire, image à contre-jour de ma première vie, la mémoire toujours. Est-ce que demain il fera jour? Il y a des nuits comme ça, il y a des nuits parfois où l'on ferait mieux de se coucher. Mais moi je reste levé, mais moi je reste levé.